En chinois, le mot table se dit 桌子, 桌, pour se faire coucher. 桌子, 子, fermer le poing. 桌子, pour dire table. Alors imaginez que vous rentrez à la maison et votre grand-mère a réceptionné un colis pour vous. Elle est originaire d'un petit village de campagne auquel elle doit un terrible accent et elle vous dit en avalant ces mots « Il y a quelque chose sur la table. » Donc le mot table se dit « 桌子 ». Dites-moi « c'est une table » en vous rappelant qu'on n'a pas besoin de traduire « une » en chinois. « 这个是 ». « C'est ». Ce n'est pas la même chose que si on voulait dire « cette table ». Ici, on veut dire « c'est ». « 这是 chose ». Donc, rappelez-vous de ma petite histoire, là. Hein. Rappelez-vous que votre grand-mère a un terrible accent et quand elle parle, quelque chose devient « quelque chose ».« 桌子 ». Comment dites-vous « dire » ou « parler »?« 说 ». Oui, cela commence par « sh, sh ». Chou. Mais table, en revanche, c'est un j. Chou. Chou. Chouze. Chouze. Bien. Che. Shi. Chouze. C'est une table. Che. Shi. Chouze. Et maintenant, dites-moi, où est la table? En sachant qu'il est inutile de dire là. La table est où? 桌子 是 在 什么 quel est le mot pour dire où? Se dit 哪儿. Alors, où est la table? 桌子在哪? Comment dites-vous table? 桌子 Donc, qu'est-ce qu'il y a sur la table? Quelque chose. Oui, et si vous venez du fin fond de la campagne? Quelque chose. Donc, il y a quelque chose, 桌子, de poser sur la table. Où est la table? 桌子在哪儿? La table est dans ma maison. 桌子在我的宅里. Comment dites-vous maison? 宅家. 家. Bien. 家. 家里. La table est dans ma maison. 桌子在我的家里. Où est ta maison? Ta maison est où? 你的家在哪儿? Où est ta maison? 你的家在哪儿? Ma maison est à Pékin. 我的家里. Et comment dites-vous maison? 家里. Non, là je vous demande juste le mot pour dire maison. 家. Et donc, ma maison est à Pékin. 我的家在北. Ma maison est à Pékin. 我的家在北京. Donc en fait, vous utilisez seulement li quand vous parlez d'un... Un bâtiment. Dans un bâtiment. Et zai peut vouloir dire dans, si c'est un pays ou une ville. Oui, exactement, c'est ça. Ça signifie se trouver dans un endroit. Et donc, nous n'utilisons pas li avec un lieu géographique. Alors dites-moi, où est cet étudiant ? Comment dites-vous étudiant ? Xue-sheng. Vous pouvez répéter encore une fois, s'il vous plaît ? Xue-sheng. Où est cet étudiant ? Zhe ge xue-sheng zai na er. Maintenant, dites « Mon ami est chez lui maintenant. » Mon ami est dans sa maison maintenant. Ta de jia. Il faut dire à l'intérieur, non ? Oui, c'est ça. Wo de peng you xian cai cai ta de jai li. Comment dites-vous il ou elle ? Ta. Bien ta. Comment dites-vous maison ? Xia. C'est jia. Oui, rappelez-vous de la maison de mes amis de Tahiti. Hein, ça sentait bon la fleur de tia re. Alors reprenons. Mon ami est dans sa maison maintenant. Wo de peng you xian zai zai ta de jia li. Habite-t-il dans cette maison-là ? Ta zhu zai na ge jia li ma ? Habite-t-il dans cette maison-là ? Ta zhu zai na ge jia li ma ? Est-il occupé maintenant ? Ta mang ma ? Est-il occupé maintenant ? Ah. Ta. Xian zai. Mang ma. Est-il occupé maintenant ? Ta. Xian zai. Mang ma. Et vous répondez : Il n'est pas occupé ou pas occupé. Bu. Mang. Bu. Mang. Il est en train de regarder la télévision. Ta zai kan dian shi. Non, il n'est pas occupé. Il est en train de regarder la télévision. Bu mang. Ta zai kan dian shi. Habite-t-il à Pékin ? Ta zhu zai bei. Habite-t-il à Pékin ? Ta zhu zai Beijing ma ? Pour répondre non, vous pouvez simplement dire Pu. Il habite à Shanghai. Pu. Ta zhu zai Shanghai. Non, il habite à Shanghai. Pu. Ta zhu zai Shanghai. Où habites-tu ? Ni zhu na. À quel endroit habites-tu ? Tu habites à quel endroit ? Ni zhu zai na. Où habites-tu ? Ni zhu zai na. J'habite en France. 我住在法国. J'habite en France. 我住在法国. Maintenant, demandez. Où habites-tu en France ? Ce qui deviendrait. En France, tu habites où ? 在法国. Ni. Zhu. Na. Où habites-tu en France ? Zai fa guo ni zhu 哪儿? Pourquoi n'a-t-on pas besoin de dire 在哪儿? Eh bien, en chinois, quand on a déjà dans la phrase un verbe comme 住, il est tout à fait possible de ne pas ajouter 在, comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Et donc, dans une question avec 住, on pourra aussi employer 哪儿? Sans 在. C'est une autre manière de le dire, mais vous n'aurez pas commis d'erreur en utilisant 在 dans des phrases ou des questions avec 住. Vous entendrez les deux.